Et voici le code d'accès à l'hôtel si vous rentrez après 23 heures. C'est le 2104. Ok, merci. Voilà la clé de votre chambre, c'est la 203 au deuxième étage. N'hésitez pas à appeler la réception si vous avez un problème ou une question à poser. Voilà, bienvenue et bon séjour chez nous.